May 19th, 2019, 9 hours, 24 minutes, 27 seconds. Roger, traffic information. There's no traffic to report along the south shore. A few fishing vessels in the area. We'll be expecting a report when all fast in a remote key. Over. Traffic. Good morning again, sir. This is Merz Patras, sir. I'm passing our reporting point 5 Alpha and I request permission to proceed to the pilot station. Roger, thank you. So, clear to enter into pilot boarding ground. There is no downbound traffic to report. For pilot boarding at 0950, you can come as low as 5 cables from the shore. Boarding speed is 6 to 8 knots when the pilot boat is alongside. Over. Well understood, sir. Our pilot is ready on the starboard side, 2 meters above the seawater level and boarding speed 5 to 6 knots. Copy that, sir. And I will come closer to 5 cables to the shore. Thank you. Roger. Boarding speed is 6 to 8 knots. 6 to 8. Over. Sorry, sir. I understood. 6 to 8 knots. No problem. Thank you very much, sir. Thank you. May 19th, 2019, 9 hours, 31 minutes, 55 seconds. Kuma el Salariam. Salariam, ça fait qu'est-ce que moi? 5 minutes pour les blanches. Bien reçu, pas de trafic descendant pour le haut fond pince. Deux navires descendants attendus au nord des blanches. À vous. Roger. Est-ce que mon traffic, Max Patras? Roger Patras, est-ce que mon traffic? Man overboard, sir. I will alter my course to port now and I will proceed to recover the man overboard. Roger, what the person was wearing currently, over? Sir, I have man overboard in position 48 degrees, 20 north, 069, 21 west. Sir, I will alter my course now to port and approach the man overboard. Sir, thank you. So one man overboard, what was he wearing? What color of his clothes, over? Orange, sir, orange. Roger. So we have lowered the, we have threw the ring and now I'm altering to port and I will come back to him and we are going to lower the, our starboard lifeboat, emergency lifeboat, sir. Roger, so have you thrown an object in the water, over? Stand by, sir, I will ask again. That ring into the water, is correct, Evgeny? Say again, please. May 19th, 2019, 9 hours, 33 minutes, 44 seconds. Do you see the man in the water currently? Do you have a visual on the man, over? Sir, I have seen 3 minutes ago. I have seen to the water. Now I cannot see anymore. I'm altering the course, and we are preparing now our lifeboat, emergency lifeboat. Roger, thank you. Keep us advised. Can you please repeat, sir, last message? Roger, keep us advised, over. Sir, I'll keep advice. We'll keep you advised. Please, if you can advise the other vessel around that we are going to alter the course and coming closer to our men overboard. Roger, we'll advise search and rescue and do a mayday relay, so stand by, okay? Okay, copy that. May 19th, 2019, 9 hours, 34 minutes, 46 seconds. Bateau pilote, trafic est-ce qu'on a une voie d'écoute? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. On aurait un homme à la mer qui serait tombé du Murph Patras en approche de la station. Une personne qui porte des vêtements orange, ça fait 3 minutes qu'ils n'ont plus de visuel sur la personne. À vous. Oui, alors, ça sera pas long, on est prêt, on part. Merci, on avise de recherche et sauvage. May 19th, 2019, 9 hours, 35 minutes, 16 seconds. Merz Patras, it's coming traffic. It's coming traffic, please go ahead, sir. Yes, pilot boat has been advised. They are preparing to depart and coming to help you right now. Over. Okay, sir, I will stop now my engine because we are going to lower our starboard light boat to proceed to our second mate who fell into the water. Roger, thank you. May 19th, 2019, 9 hours, 35 minutes, 48 seconds. Command traffic, NECC Quebec. NECC Quebec is command traffic. We're proceeding, 50 minutes, we'll have our boat ready and we're preparing. Sure, thank you. We'll advise search and rescue. Roger. Traffic est commun, bateau pilote, on est en route. Merci, merci. On a vu de rechercher le sautage. May 19th, 2019, 9 hours, 36 minutes, 24 seconds. Bateau pilote, avec ce combien voulez-vous que je vous donne la position? L'avez-vous pris tantôt? À vous. Négatif, mais on est en route de toute façon, là, on va regarder, là, on va regarder, on est trois, on est même quatre à bord, là, fait que je vais vous revenir là, si j'ai besoin de la position. Merci, merci. Négatif, comment est l'armée Baudeux, on est stand-by également, monsieur. May 19th, 2019, 9 hours, 36 minutes, 48 seconds. Négatif, comment est l'armée Baudeux, on est stand-by également, monsieur, pour le mal à mer, si vous avez besoin, là. Bien reçu, merci. On avait une recherche de sauvetage et puis on est sur le service, on a besoin de quelque chose. Roger. May 19th, 2019, 9 hours, 37 minutes, 14 seconds. Pan, toute station. Ici les escoumins radio-garotières, les escoumins radio-garotières. Urgence déposée à 1-3-3-5 UTC. Un homme à la mer au large de la station des escoumins. Il porte une combinaison, des vêtements orange. Il est tombé à l'eau il y a environ 4 minutes. Tout navire pouvant porter assistance ou faire des observations, prière de contacter cette station. Break. Pan. All station, this is Les Escoumins Coast Guard Radio, this is Escoumins Coast Guard Radio. Urgency received at 1332. Men overboard, next to in the area of Les Escoumins pilot station. The man is wearing an orange suit. Any vessel in the vicinity that can provide assistance or make any observation, please contact Les Escoumins Coast Guard Radio. This is Les Escoumins Coast Guard Radio, over. May 19th, 2019, 9 hours, 38 minutes, 50 seconds. Est-ce que mes traffic, Mesh Patras? Mesh Patras, est-ce que mes traffic, go ahead. I'm now to release our emergency lifeboat, rescue boat, and to proceed. I can see also the pilot boat is proceeding to our man overboard. Roger, and do you have any visual on the man overboard, over? Please repeat last message, sir. Roger, do you have a visual on the man overboard, over? Sir, I have information from third officer that he can see it on our port bow. We can see him into the water. Roger, can you see if the pilot boat is proceeding directly for that position, over? Sir, I will check again the bearing. I will revert to you as soon as possible. Roger. Qu'est-ce que met le bateau pilote? May 19th, 2019, 9 hours, 39 minutes, 48 seconds. Qu'est-ce que met le bateau pilote? Oui, allez-y. J'ai bien compris, il y a un visuel sur son membre d'équipage. Oui, c'est ce qu'on a compris aussi, il y a un visuel là, présentement, puis leur bateau de sauvetage il va être en hauteur. À vous. May 19th, 2019, 9 hours, 40 minutes, 38 seconds. Twin traffic, that's twin traffic. Can I give you the position of man overboard? I can see that the pilot boat is heading straight to this position. It is correct, sir. Roger, do you have a position right now? Yes, sir. So position is 48 degrees 20 decimal 0 north and 069 degrees 21 decimal 4 west. Roger, thank you. A break, bateau pilote, avez-vous pris ça? Affirmatif, là, je sais qu'on s'en va dans la bonne direction. On a déjà ralenti un peu, on arrive dans le fond de la ligne où il était le bateau là, quand la personne est tombée à l'eau. Fait qu'on devrait pas être très loin. Là. Merci, tenez-nous quoi? May 19th, 2019, 9 hours, 43 minutes, 12 seconds. Estimate traffic, I can see the life ring quite close to the pilot boat. It's about one cable. Pilot boat can give me on the radio channel 09. Roger, thank you. Break, bateau pilote, à 1 mile de votre position, avez-vous pris ça? Traction, un câble de votre position à vous. Un câble à l'avant, continue à procéder lentement. Merci, merci. May 19th, 2019, 9 hours, 43 minutes, 53 seconds. Fantastic, pilot boat. Pilot boat, Max Patras, please go ahead, sir. Yes, Captain, do you still have your men on visual? No, sir, we have lost. We can see just, I think it's the ring, the life ring, life buoy, sir. It's somewhere close to you now. Okay, we'll keep having a look around. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. May 19th, 2019, 9 hours, 46 minutes, 3 seconds. Cap de Rabat. Cap de Rabat, ça fait qu'est-ce qu'on met? La direction des escouades. Assurez-vous un HP. 11h30, on devrait essayer. Assurez-vous eu la dernière position à vous? Merci, yes. May 19th, 2019, 9 hours. 46 minutes, 29 seconds. Ok, dernière position, 48 degrés, 20 décimal 3 minutes nord, 069 degrés, 21 décimal 4 minutes ouest, et puis le bateau pilote des Escoumins, il sera dans le secteur à vous. Pilot boat, Max Patras. Sir, if you can alter to port a little bit and then you'll see into the water the lifeboat, life buoy. We have passed already. Thank you. May 19th, 2019, 9 hours, 47 minutes, 9 seconds. Thank you. Cap de Rabat, avec Escoumins, quitte de nouveau la position, 48 degrés, 20 décimal 0 minute nord, 069 degrés, 21 décimal 4 minute ouest. May 19th, 2019, 9 hours, 47 minutes, 41 seconds. Mark Patras. Patras, pilot boat. Yes, pilot boat, go ahead. Yeah, pilot boat, Mr. Patras. You have to turn to starboard side for the orange light boy that we had released. Okay, Roger. It's just around on your starboard corner. May 19th, 2019, 9 hours, 48 minutes. 27 seconds. Et qu'est-ce qu'on m'a laissé pour moi? May 19th, 2019, 9 hours, 48 minutes, 37 seconds. I have bought my Patras bearing on my vessel around 000 degrees for the orange buoy. Okay, thank you. May 19th, 2019, 9 hours, 48 minutes, 58 seconds. C'est pour même trafic exclamé, passez vers 06, s'il vous plaît, 06 à vous. 06. Pilot mode, press back out. Have you seen the orange boy, sir? Negative. Pilot boat, this is NAC Quebec. If the second mate isn't on that buoy, I would leave the buoy in the water for a search datum. You'll want to let that drift with water for a search datum. May 19th, 2019, 9 hours, 49 minutes, 56 seconds. Pilot boat, Mercy Cat, if you continue that course, probably the life buoy will be on your starboard side. Buoy will be on the starboard side, Roger. May 19th, 2019, 9 hours, 50 minutes, 24 seconds. Pilot boat, Mercy Cat, still bearing 000 degrees, sir. Okay, that is from your position, right? That's correct. From my position, 000 degrees. Okay, thank you. May 19th, 2019, 9 hours, 50 minutes, 53 seconds. Probably around 80 meters from the light buoy. Okay, 80 meters. It's now on your port side. Looks like it's now on your port side. Pilot boat. Okay, we can see it now. Okay, visible now. Sir, can you please confirm it's second light or it's just the life ring, please? May 19th, 2019, 9 hours, 51 minutes. 53 seconds. Qu'est-ce qu'on met le bateau pilote? Oui, allez-y. He's a man overboard person. Qu'est-ce qu'on met le bateau pilote? Oui, bateau pilote, allez-y. Là, on est à côté de la bouée que le Mass Patras a lancé, mais on ne voit pas la personne à la mer. On ne voit pas la personne à la mer. Bien reçu, donnez-nous courant. Il y a le Cap de Rabat qui est en route aussi. Il va être sur place à 10h30 à vous. Merci. Et puis la bouée, là, laissez-la en place, là, ça va nous donner une idée de la dérive des objets. Là. Donc laissez la bouée en place dans l'eau, à vous. Affirmatif, on la laisse là. Merci. May 19th, 2019, 9 hours, 52 minutes, 56. Boat, Mercy Patras, is there any person in the light buoy? Over. Attends, qu'est-ce que vous pouvez juste dire au Patras que on voit pas la personne, on a juste on a seulement la bouée là. Bien reçu, break, Mercy Patras, est-ce que traffic négative, they do not see the person right now, they are at the position of the buoy, over. Yeah, understood, sir. I can see that they're close to the light buoy. There's no person on the buoy. May 19th, 2019, 9 hours, 55 minutes, 36 seconds. Qu'est-ce qu'on met, trafic qu'est-ce qu'on met, AML 11? AML 11, trafic qu'est-ce qu'on met, passez, voie 06, 06, gardez les coups. 06. Bateau pilote, ça fait qu'est-ce que moi? Oui, monsieur. Oui, est-ce que je peux avoir votre position actuelle ou la position de la bouée, à vous? À présent, je suis au 48, 20, 055 nord, 69, 21, 38. Bien sûr, merci, on passe à recherche et sauvetage. Puis la bouée par rapport à cette position-là, est-ce qu'elle est proche de vous, à vous? J'ai un peu vu que il y a perdu la personne avant la bouée. Là. Donc, vous êtes un peu en aval de la bouée, c'est ça? Affirmatif. Merci. May 19th, 2019, 9 hours, 56 minutes, 44 seconds. Tickets for my SMM evolution. Pilot mode, burst patrol. The person should have a yellow-green helmet and a yellow-green boiler suit, over. Okay, thank you. Tickets for my May 19th, 2019. 10 hours, 14 minutes, 8 seconds. Mayday, mayday, mayday. This is Maersk Patras. Maersk Patras. We have a man overboard. Man overboard. In position, 48 degrees, 20 minutes north, 069 degrees, 21.4 minutes west. I repeat the position, 48 degrees, 20.0 minutes north, 069 degrees, 21.4 minutes west. Maersk Patras, over. May 19th, 2019, 10 hours, 14 minutes, 38 seconds. Let's come in traffic, Maersk Patras. Maersk Patras, let's come in traffic, go ahead. We're going to search to send now port flyboat and to continue search and rescue. You're sending a lifeboat. Thank you. Thank you very much, sir. May 19th, 2019, 10 hours, 15 minutes, 4 seconds. Thank you, sir. Comment about the result? Oui, allez-y. Est-ce que je pourrais vous donner la position de la bouée? Là, on est à côté, je vais vous la donner, s'il vous plaît. J'ai mis, moi, je me suis mis un point sur ma carte. Là. Oui, allez-y avec la position. 48, 19, 8, 7, 7, nord. Le 0, 6, 9, 21, 6, 7, 9, ouest. Merci, je vais répéter pour confirmer, 48 degrés, 09, décimal 8, 7, 7, minute nord, 0, 6, 9 degrés, 2, 1, décimal 6, 7, 9, minute ouest, c'est bien ça? Négatif, la correction, 48, 1, 9, pas 0, 9, 1, 9. J'ai reçu 1, 9 au lieu de 0, 9, merci. May 19th, 2019, 10 hours. 16 minutes, 6 seconds. Excuse me, traffic, NACC Quebec. NACC Quebec, excuse me, traffic. Roger, sir, I'm on scene approaching from the north. I have a position, and the first position, and I put down a sector search with drifting at northeast at 1 knot. You can pass on to the rescue subcenter. I was former Coast Guard commanding officer at Grenfell, if that means anything to them. Roger, thank you. So keep us advised, and did you get the latest position of the buoy that has been thrown into water, over? Give me the position, I heard them transmit it. Roger, so latest position is 48 degrees, 19.877 minutes north, 069 degrees, 21.679 minutes west. How copy, over? So we've got it, we'll plot that. Roger, thank you. May 19th, 2019, 10 hours, 29 minutes, 3 seconds. NACC Quebec, NACC Quebec, Maersk Patras. Maersk Patras, NACC Quebec, go ahead. Yes, sir, just please be careful, we are still looking for our men overboard. Roger, understand. I'm looking for him too. Thank you very much, sir. I appreciate your efforts and assistance. Please keep sharp looking. Thank you very much. May 19th, 2019, 10 hours, 29 minutes, 47 seconds. Grand Zoo, ici le Cap de Rabat. de Rabat-le-Grand-Dieu. Ouais, vous êtes aux côtés de la pêche, vous, présentement? Négatif. Moi, j'étais à 1 mille exactement là, de la bouée. Donc je me retourne pour remonter vers la bouée. Là, je me suis éloigné un peu au large. On a patrouillé à terre, plus près de la côte. Là, on est un peu plus large. OK. Puis l'autre embarcation qui est là, rouge, que je vois, là, c'est une embarcation du Murph qui est à l'eau, quoi. Affirmatif. Nous autres, on va prendre 20 lieux à la pêche, là, puis là, on va entendre les instructions là, du maire SC. C'est ça qu'on va faire, rendu là. OK, parfait. Moi, je suis en remontant. Je vais monter doucement vers la bouée, justement. Fait qu'on va voir là, qu'est-ce qu'on espère toujours. Là. Bien reçu, merci. Ouais, Christian, l'héritage 1, nous autres, on est avec des longues vues là, à partir du quai de l'héritage 1, là, du quai de ce coin. May 19th, 2019, 10 hours, 32 minutes, 18 seconds. NECC Quebec, Escamain Traffic. Escamain Traffic, NECC Quebec, go ahead. Yes, Search and Rescue would like to know if you will be using your rescue boat for the search over. Negative. I've got the boat ready to go if we come across anything. Roger, thank you. May 19th, 2019, 10 hours, 33 minutes, 24 seconds. Cap de Rabat, le Grand-Dieu. Cap de Rabat. Vous la voyez, la bouée est... May 19th, 2019, 10 hours, 33 minutes, 32 seconds. Cap de Rabat. Que vous la voyez, la bouée, d'après la poule, moi j'ai mis un manœuvre bord, donc vous l'avez en avant de vous, là, pas très très loin, là, peut-être un quart de mille. Ah, Roger, je vais continuer dans cette direction-là. May 19th, 2019, 10 hours, 34 minutes. 1 second. Cap de Rabat, trafic Escoumin, si vous pouvez prendre une nouvelle position de la bouée, on la prendrait à vous. Roger. May 19th, 2019, 10 hours, 34 minutes, 37 seconds. Bonjour, Cap de Rabat, est-ce que je suis bien loin? Moi, là, je vous présente sur la position que j'ai mis là, presque dessus, là, d'après mon OIS. OK, puis la pêche est où? Là, présentement, là, je la vois pas à l'œil, mais moi, je me redirige directement là, où la position que j'ai mis, j'étais dessus la bouée. Là. Ouais, c'est ça, j'ai la position, Roger. May 19th, 2019, 10 hours. 35 minutes, 42 seconds. Ah, je comprends la position que vous avez donnée, là. On va attendre les instructions pour vous rappeler le Grand-Dieu. Ça n'y a pas de problème, gars. Je vais me tasser, moi, sur ma droite, là. Puis je vais aller, la position, comme je vous dis, mais je vais essayer de me rediriger un peu plus vers la côte. Hein. Vous avez fait des recherches en sortant vers l'extérieur, puis en rentrant vers la côte, c'est ça? Affirmatif, toujours en se dirigeant, lui, après, il a passé sur le point de rappel, fait quand il est passé, fait que je me suis toujours dirigé vers là, je suis allé un peu vers la côte, là, je suis allé un peu plus vers le large, là, à peu près une distance, là, peut-être de 3 câbles, là, tu sais, entre chaque ligne, là, si on veut. Oui, bien reçu. Merci. May 19th, 2019, 10 hours, 44 minutes. 50 seconds. Cap de Rabat, avec Escoumin, le Cipoumouin essaie de vous contacter sur le 1-9, à vous. Oui, Roger, je vais pas te parler au maire aussi. May 19th, 2019, 10 hours, 46 minutes, 28 seconds. Le Grand O, le Cap de Rabat. Cap de Rabat, le Grand-Dieu. Oui, moi, je vois certains patrons de recherche là, rapport à la position initiale. Si vous pouvez partir de ma position vers le navire montant, là, le NACC Québec, là, en allant dans sa direction, là, puis en revenant plus vers terre, allongeant le en regardant parallèle la côte. Là. Donc là, vous voulez que je revienne à ma position, parce qu'il y avait la bouée, puis aller vers la NSC Québec, c'est bien ça? Affirmatif, puis en rentrant plus à l'intérieur pour revenir, là. À peu près un demi-mille, là, quelque chose comme ça, gros max, là, point 2000, une affaire comme ça. Là. C'est parfait, pas de problème. Tantôt, moi, j'étais allé, j'ai fait un mille de cette position-là en descendant vers le point d'appel 5. Là, j'ai fait un mille en descendant. Ah, Roger. Ben, regardez, on va refaire la même instruction, là. Nous autres, on a parlé de Québec, Québec, là. Moi, je vais commencer un patron de spirale carrée ici, là, puis... faites une patrouille vers le navire montant, puis revenez en parallèle à la côte, là. Parfait, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Puis l'aéroport, puis moi, là, qui va dire ça dans une quinzaine de minutes, là. Lui, il va se garder un peu plus au large. Bien sûr. Merci à vous. May 19th, 2019, 10 hours, 49 minutes, 59 seconds. Cap de Rabat, trafic Escoumin. Cap de Rabat. Oui, je vous avais dit qu'il y a un avion civil qui procède présentement pour la position. Il devrait être là dans quelques minutes. Et puis on est en communication par téléphone avec l'avion. Donc l'avion, il n'y a pas de communication radio. À vous. Roger, bien reçu. Comme moi, j'ai parlé avec le MRSC, là, je commence un patron de recherche ici, là, en spirale carrée, là, fait que... c'est pour moi, mais aussi qui est en montant de Kakuna, là, il va se garder un peu à l'extérieur du match. Là. C'est parfait, merci. May 19th, 2019, 10 hours, 52 minutes, 51 seconds. Le Rabol, c'est pour une sur les secondes. Oui, monsieur, je t'en approche. Vous, des instructions spécifiques pour nous. Garde au large, je vais probablement avoir le navire MERS, là. Si tu peux aller à l'extérieur du MERS. Extérieur du MERS, Roger. Fait que si tu peux faire des lignes à long du MERS en allant vers le large, là. Parce qu'il y a la grande O là, qui est partie plus vers le navire montant, là, vers l'est. Là. Il va faire le facteur là-bas. Là. May 19th, 2019, 10 hours, 59 minutes, 14 seconds. Cap de Rabat, Cap de Rabat, je vous l'écoute. L'écoute. Je tiens Saint-Pierre, c'est la maison chez nous. Tu peux m'appeler, je vois de quoi? Ouais, j'ai pas ton numéro. May 19th, 2019, 10 hours, 59 minutes, 46 seconds. C'est quoi ton numéro? Appelle-moi sur le... Je vais donner mon numéro de cellulaire. Ouais, j'ai pas de crayon, là. Monte en haut, genou. May 19th, 2019. 11 hours, 0 minutes, 34 seconds. C'est pour moi, nous avons l'air, vous avez dit qu'on a débuté les... C'est pour bien de trafic Escoumin, bien reçu, merci. Je vous avais dit, navire de pêche Nancy Ross qui est en approche des Escoumins aussi, on les a informés de la situation. Roger, merci. May 19th, 2019, 11 hours, 2 minutes, 31 seconds. Cap de Rabat, Cap de Rabat. Cap de Rabat. May 19th, 2019. 11 hours, 2 minutes, 43 seconds. Cap de Rabat, l'écoute. Ton numéro de téléphone, s'il te plaît. May 19th, 2019, 11 hours, 5 minutes, 8 seconds. Grand Zoo, le Cap de Rabat. Oui, monsieur. Grand Zoo, Cap de Rabat. Oui, Cap de Rabat, Grand Zoo. Garde, continue sur ta course, je viens d'avoir une information, là. Continue sur ta course, mais en t'en allant dans ta station, là, quelqu'un qui voit quelque chose à l'eau, là, dans le bord de courant, là. Je suis dans le bord de courant justement, il n'y a pas de problème, on continue. Ouais, puis je vais me diriger vers là aussi, moi aussi. May 19th, 2019, 11 hours, 6 minutes, 58 seconds. Oui, qu'est-ce qu'on met là, Maïbo 2? Maïbo 2, ça fait qu'est-ce qu'on met? Monsieur, on a terminé nos tests de son. Préférez-vous qu'on reste dans près du Maersk ou on peut retourner à Tetrac? Passez vos 06, gardez l'écoute. Monsieur. May 19th, 2019, 11 hours, 9 minutes, 12 seconds. C'est plus moyen le Cap de Rabat. Le Rabat, c'est pour moi une sur le 09. Oui, on a interrompu notre patente de recherche parce qu'on a eu un appel de la terre, là, quelqu'un qui a vu un visuel. Là. On est avec le Grand Zoo en montant le long de la rive. Là. Roger, moi j'ai descendu une ligne là, parallèle à votre trafic là, jusqu'à environ 2.6 000 là, en bas de la position, je t'en remonte tranquillement. C'est super. Fait que vous pouvez vous en faire des passes là, en vous rapprochant de la côte tranquillement. Ah, permettez, c'est ce qu'on fait. Super, merci. Bonne chance. May 19th, 2019. 11 hours, 11 minutes, 24 seconds. Merch, Patras, est-ce que vous m'écoutez? Traffic, Merch, Patras, please go ahead, sir. Just inform you, safety wants you to keep VDR recording, so keep VDR recordings, over. Sir, I have pressed the backup button about 20 minutes ago. Roger, and do you know water temperature right now, over? 6 degrees, it was 6 degrees from the beginning, sir, 6 degrees. 6 degrees, Roger. May 19th, 2019, 11 hours, 12 minutes, 56 seconds. De Rabat, le Grand Zoo. Oui, à l'écoute. Vous aimeriez qu'on fasse quel tracé, là, on descend le long de la côte, on s'en va plus au large, comme vous voulez. Va virer en face de ta station, là, puis tasse-toi un petit peu plus au large, là. Moi, je vais retourner dans mon patron de recherche là-bas, là, puis c'est pour moi, lui, il fait des tracés au large en s'approchant tranquillement le long de la côte, là. OK, parfait, merci. Merci. May 19th, 2019, 11 hours, 16 minutes. 24 seconds. Grand Zoo, le Cap de Rabat. Oui, monsieur. Regarde, si tu peux te mettre parallèle à moi, là, on va faire des traces en parallèle, là. T'as juste à regarder à peu près à 0.3 mille de moi, là. On va y aller en descendant? Ouais, on va aller en descendant. On va se garder à 0.3 mille entre les deux, là, parce que s'il y a quelqu'un à l'autre, des fois, on peut passer au côté sans le voir, là. Fait qu'on va se garder en parallèle, les deux, puis on va faire un pattern jusqu'à NACC Québec, là. Puis après ça, on va revenir, là, plus au large, là. Fait qu'on va se coordonner, les deux, pour chercher en même temps, là. Problème, on fait ça. May 19th, 2019, 11 hours, 17 minutes. 17 seconds. C'est comme la bonne distance, là, à peu près, là, entre nous autres, là. Moi, j'étais à 0.3 mille de toi, là. Affirmatif, j'ai ça aussi, je me tourne un peu, là, puis on va descendre comme ça. Ok, on va garder la même vitesse, là, puis on va s'en aller plus haut, puis on t'en reviendra de bord là-bas, puis tu tasseras plus au large, puis on s'organisera comme ça. Parfait. May 19th, 2019, 11 hours, 22 minutes, 3 seconds. Ganzo, Cap de Rabat. Oui, Cap de Rabat, Ganzo. Regarde, continue cette course-là, là, je vais aller vérifier quelque chose que quelqu'un voit à terre. Là. Je vais aller te confirmer, puis si ça, c'est négatif, je vais revenir à ma position initiale. Parfait. May 19th, 2019. 11 hours, 26 minutes, 47 seconds. Trafic Escoumin, la Nantiros. Nantiros, trafic Escoumin. Bonjour monsieur, pour les recherches, je voudrais avoir des informations vers quelle heure la personne a été portée disparue et quelle sorte d'habillement il y avait. Bien reçu. La personne était rapportée tombée à l'eau à 1315 UTC. La personne portait des vêtements orange et puis un casque jaune et vert. À vous. Roger, monsieur, on va porter attention. C'est simplement pour voir calculer un peu avec les marées aussi, le montant et baissant de où est-ce que la personne pouvait se situer. Merci, monsieur. Merci. May 19th, 2019, 11 hours, 31 minutes, 22 seconds. Le Grand O, le Cap de Rabat. Oui, ici le Grand O. Ouais, j'en prends ma course de tantôt, là, je vais aller vous en rejoindre, là, puis c'était une fausse alerte, là, lors de la côte, là, fait que on va continuer comme ça, le petit au moins qui est au large de nous autres aussi, là. C'est parfait, bien reçu. May 19th, 2019, 11 hours, 32 minutes, 4 seconds. Ouais, le Grand Zoo, je pense à votre position, là, vous pouvez virer de bord, puis descendre, là, entre moi, puis le roucisseur, là, qui est au large de vous, là. OK, je vais me tasser au large, j'ai pas de problème. Merci. May 19th, 2019. 11 hours, 43 minutes, 21 seconds. Cap de Rabat, le Grand Zoo. May 19th, 2019. 11 hours, 43 minutes, 36 seconds. Cap de Rabat, le Grand Zoo. Bye-bye. May 19th, 2019, 11 hours, 44 minutes, 36 seconds. Gonzo, Cap de Rabat. Parce que ça vous conviendrait, moi je retournerais plus vers le large, je redescendrais, là, je sais pas ce que j'en pensais. Ouais, comme à fait, justement, je parle là au centre de sauvetage, là, on va se faire en face du quai des pilotes, puis on va faire la même chose, tassez-vous vers le large, puis moi je vais me tasser aussi, on va patrouiller en parallèle, là. Enfin, merci. Je pense que le territoire dans ce secteur, il a été couvert pas mal, là, mais on va continuer pareil jusqu'à on nous le dise arrêter, là. Parfait, il n'y a pas de problème. Merci. May 19th, 2019, 11 hours, 45 minutes, 17 seconds. C'est là-bas, c'est pour moi. Ouais, l'écoute. Oui, Christian, ça va vous rentrer pas mal au niveau de mes tracks. Tu veux toujours faire une passe longue terre, là, très très proche de terre, ça te surprendrait, là, mais il y a pas mal juste moi qui peux aller se promener bien longue terre. Ouais, je suis souvent allé jusqu'à un an et là, je connais la grande zoo à passer là tantôt, puis on avait un petit bateau blanc là, qui était le long de la côte, là, en particulier. Là. Mais c'est sûr que toi au large, là, t'as fait pas mal de tours aussi. Là. Ouais, c'est ça. Là. Moi, j'ai monté, comme je dis, là, la première position du Mars quand j'ai commencé, là, j'ai monté 2.6 000 sur la carte, là, ça donne un petit peu en bas là, du logo du point d'appel. Là. C'est jusqu'à là que je faisais des passes. Ah bien monsieur. Regarde, si tu veux monter le long de la côte, proche de l'eau aussi, là. Nous autres, on... Avec le grand zoo, là, on va regarder en parallèle. Bon, on va continuer à faire le secteur jusqu'à temps qu'on a donné l'instruction du MRSC, donc. Roger, je vais faire ça. Je vais me coller sur la côte et je vais me ramener vers le large tranquillement. Là. Moi, j'en ai peut-être encore pour une heure et quart de fuel avant que je me remette en route dans quelques minutes. OK, pas de problème. Merci. Merci à toi. May 19th, 2019, 11 hours, 49 minutes, 16 seconds. Estou em tráfico, mais para trás. May 19th, 2019, 11 hours, 49 minutes, 27 seconds. First address is coming traffic. Sir, I would like to ask you for this search and rescue operation, who is now in charge? Still, Mers Patras is going to be in charge. I cannot understand in French language. I can see that we have three search and rescue boats and also our live boat is still searching. Roger, the Coast Guard vessel Cap de Rabat is currently in charge. Over. Well understood, sir. So it's Coast Guard Cap. Can you please repeat the name of the boat? Roger. They are on your port beam, actually, the Cap de Rabat. Cap de Rabat. Over. Well understood, sir. Cap de Rabat is on command scene. Okay. Thank you very much, sir. I can see now. Thank you. Sure. May 19th, 2019, 11 hours, 55 minutes, 39 seconds. Grand Zoo, le Cap de Rabat. Cap de Rabat, le Grand Zoo. Ouais, on va se rendre jusqu'au point d'appel 5 Alpha, puis on va virer de bord là, en gagnant le large. Parfait, pas de problème. Merci. C'est une nouvelle sorte, avec Escoumé, pensez vous 06, 06 à vous. May 19th, 2019, 12 hours, 5 minutes, 5 seconds. NACC Quebec, Eskimo traffic. Eskimo traffic, not Quebec. Yes, I just inform you the Heritage 1 is currently crossing the river, just departed the public wharf in Elizabeth, coming over. Roger, I have a visual there. I'm altering to starboard to go up and continue my sector search. Roger, thank you. May 19th, 2019, 12 hours, 6 minutes. 39 seconds. Le Grand Zoo, Cap de Rabat. Cap de Rabat, le Grand Zoo. Ouais, on va se virer vers toi vers le large, puis moi je vais me virer aussi vers toi, puis on va remonter en parallèle vers le nord de la côte. Là. Parfait, vers le large, y'a pas de problème. Si. May 19th, 2019, 12 hours, 11 minutes. 17 seconds. Bateau pilote, trafic Escoma. Oui, ici le bateau pilote. Puis bonjour monsieur, là, je te parle avec le centre de recherche et sauvetage, il y a quelques navires là, concernant le Tundra là, qui approche le Haut-Fond-Prince. On a discuté un peu avec les autres, là, puis ils nous ont indiqué là, que si vous vouliez faire les deux navires, là, le Tundra et le NACC Québec, ça pourrait se faire si vous êtes d'accord avec ça, et si vous êtes capable après ça là, de retourner sur la recherche ou autre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je peux rentrer à la station après avoir fait la ligne jusqu'à la station, maintenant que je suis présentement. Je pourrais aller faire les bateaux, oui. Je vais attendre qu'elle descende. Par contre, je vois plus proche. Je pourrais aller chercher le pilote du navire montant pour faire les deux en même temps pour pas trop perdre de temps sur la recherche. C'est parfait, monsieur. Le Tundra là, approche présentement là, au fond prince. Il devrait se rapporter là, dans quelques minutes. puis on va aviser le NACC Québec qu'il pourrait prendre son pilote là en même temps, là, sensiblement, que vous allez débarquer le Tundra. Affirmatif, oui, ça serait bien comme ça, on va y aller comme ça. C'est parfait, on va passer l'information aussi là, au pilotage, puis on va garder l'écoute. Enfin, merci. May 19th, 2019, 12 hours, 12 minutes, 45 seconds. Cap de Rabast, this is Max Patras. May 19th, 2019, 12 hours, 12 minutes, 56 seconds. Cap de Rabat, trafic Escoumin, oui, vous voulez communiquer avec Merce Patras, je peux faire la traduction à vous. Affirmatif. Merce Patras, this is Escoumin Traffic, go ahead with your message for Cap de Rabat, over. Yes, sir, so I will just want to ask because he's in charge now, he's on team commander. Shall I just stop drifting or shall I increase a little bit the speed and just to come back to man overboard position? Roger, standby. Break, Cap de Rabat, Trafic Escoumin. Navire Merce Patras demande est-ce qu'il devrait rester à la dérive ou plutôt augmenter de vitesse et puis se diriger vers la dernière position de l'homme à la mer à vous. Non, il est négatif. Là, il est mieux rester là. Je pense qu'il y a une bonne visibilité la hauteur qui est là. Là le terrain ici, là, on passe régulièrement au point de la mer. Là. Bien reçu, donc je vous demande de rester à dérive à l'endroit où ce qui est présentement. Merci. Break, Merce Patras, Escoumin Traffic. The rescue boat ask you to stay adrift at that position, you are right now. Over. Well understood, sir. I will just hold my position here. Roger, thank you. Ouais, excuse-moi, Cap de Rabat, avec Escoumin, oui. Ah, c'est ça, la position d'attente, là, on passe régulièrement aux côtés, là, puis c'est ça, vu que la marée est partie en montant, là, je pense que son navire qui est là, qui s'est fait à l'oeuvre de sauvetage, là, sont en bonne position, là. Bien sûr, merci. May 19th, 2019, 12 hours, 14 minutes. 38 seconds. Mayday relay. Toute station. Ici les Escoumins Radio Calcotière, les Escoumins Radio Calcotière. Mayday. En référence à l'homme à la mer au large des Escoumins, les recherches sont toujours en cours. Tous les navires sont priés de garder une veille attentive et de rapporter toute observation à la station des Escoumins. Break. Mayday relay. All station. This is Liz Kumar Coast Guard Radio. This is Kumar Coast Guard Radio. Mayday. With regard to the man overboard, ashore, Liz Kumar Pilot Station, search are still undergo. All vessels are requested to keep a sharp lookout and to report any observation to Les Escoumins Coast Guard Radio. This is Les Coast Guard Radio, over. May 19th, 2019, 12 hours, 14 minutes, 58 seconds. Trafic Escoumin, le pilote. Le pilote, Trafic Escoumin, allez-y. Ça vaut bien de vous confirmer aussi que j'ai le pilote du Merce Patras le présentement à bord là, avec lui. Bien aussi, merci. May 19th, 2019, 12 hours, 16 minutes, 46 seconds. NACC Québec, Escoumin Traffic. Escoumin Traffic, NACC Québec. Yes, switch channel 06, please, channel 06. 06. May 19th, 2019, 12 hours, 18 minutes, 16 seconds. Station qui appelle trafic Escoumin. Bon. Le robot trafic Escoumin, allez-y. Ouais, je pouvais dire au Murph là, de revenir à sa position initiale là, quand son homme est tombé à l'eau là, avec la chaloupe. Là, fait que les MRC viennent d'aviser, on va les envoyer à leur position initiale. Là, et tout ça, on va continuer nos patterns. Là. C'est bien reçu, merci, on va les aviser. Break, Maersk, Patras. Maersk, Patras, c'est comme trafic. May 19th, 2019, 12 hours, 18 minutes, 55 seconds. It's coming traffic, Mars Patras. Yes, search and rescue ask you to go back at initial position. So if you could go back at initial position where the man fall in the water, over. Understood, sir. We will go back to the initial position where the man overboard had taken place. Roger, thank you. May 19th, 2019, 12 hours, 23 minutes, 28 seconds. Cap de Rabat, le Grand Zoo. Very good. Oui, est-ce qu'on monte encore un peu ou vous voulez qu'on redescende plus large? On va monter encore un petit peu, là. Je te rappelle, mec, ça va le temps. Là, c'est sûr, la marée passe en montant. Là, on va s'en mettre un petit peu plus haut des fois que ça arrive d'arriver plus haut. Là. Ça fait ici qu'il y a une bonne barre de courant à gauche. On surveille plus un peu dans ce côté-là. Là. Ah, c'est super. S'il y a de quoi, il serait là-dedans. Là. La barre de courant, je la vois aussi à ma gauche. Si ça va en descendant, c'est sûr, je demandais si on pourrait pas peut-être l'allonger, mais c'est comme vous voulez. Là. Ah, ben regarde, tu peux allonger, là. De toute façon, s'il y a des débris, là, ça va être là-dedans, là. Ben, je vais retourner, puis je vais allonger la barre de courant. Parfait. May 19th, 2019, 12 hours, 25 minutes, 45 seconds. NACC Québec, NACC Québec, est-ce que vous traffic? Escamain traffic, NACC Quebec, go ahead. Roger, sir. Roger, just for your information regarding pilot boarding, I was talking with your pilot, and he would like for you to proceed past the pilot station, approximately 4 nautical miles at the Cap Bon Désir, and that's where they will board your pilot to avoid the search area, and at the same time, they will be disembarking pilot there as well. So they would like for you to be there around 1315, 1315 approximately 4 nautical miles past the pilot station, over. Yes, yeah, so 4 miles south of the pilot station, beam point is here, and at 1315. That is correct. It's you keep on proceeding toward the Cap Bon Désir, past the pilot station. Keep proceeding upbound toward Cap Bon Désir, and be there around 1315 to board your pilot. Roger, copy that. Roger, sir. Thank you. May 19th. 2019, 12 hours, 30 minutes, 58 seconds. NACC Quebec, NACC Quebec. Calling the NACC Quebec. Sir, thank you, sir. So I would like to inform you that I am proceeding now to man overboard position, which is quite close to you. Will you maintain your course or you would like to alter? I'm going to steady up here, and I'm crossing to Cape Bon Désir to pick up my pilot. They've released me from the search. Thank you very much, sir. Okay, I will alter more to my starboard, and I will keep you clear. Roger. May 19th, 2019, 12 hours, 32 minutes, 39 seconds. C'est point 09. Tout le monde, Cap de Rabat. ça aurait permis d'arrêter, moi j'ai du carburant à les prendre, c'était pas possible dans mon planning de journée. Je monterai tranquillement vers Kakuna, mais je resterai du côté nord là, jusqu'à passer le Cap Mont-Désir, puis après je m'en irai vers Kakuna. Mais sûrement mon carburant va être pris, je vais rappeler MRSC, puis ils vont dire la situation, je sais qu'il y a un carburant qui s'en vient, puis un autre unité, je pense. Ah, excellent. Allez, merci beaucoup. Là. May 19th, 2019, 12 hours, 34 minutes, 43 seconds. Navire de pêche en approche de la station pilote des Escoumins. Navire de pêche en approche de la station pilote des Escoumins ici. Trafic Escoumins. Trafic Escoumins à vous. May 19th, 2019, 12 hours, 35 minutes, 2 seconds. Oui, écoute, 32. 32, trafic Escoumins, passez, voie 06. 06 à vous. May 19th, 2019, 12 hours, 37 minutes, 18 seconds. Trafic Escoumins, c'est pour moi sur le 09. C'est pour moi, trafic Escoumins. Monsieur la production qui aimerait assister, le Jalisé, Cap d'Arabat également. Là. Je vais me diriger en montant le long de la côte nord en direction de Kakuna pour carburant. Et MRSC va aviser de toutes les choses une fois que j'arrive pris mon carburant. Mais recevez-vous un HPA pour Kakuna, à vous? Je vais vous donner 13h30 pour le moment. Là. Je vais procéder à une situation un petit peu plus réduite ici le long de la côte pour faire les observations. Mais une fois que je vais en passer, je vais être rendu un petit peu plus haut que Cap Bon-Désir. Je vais prendre la vitesse, ça va être un petit peu moins que ça, là. Et on va le dire en conséquence. Bien reçu, merci. Donc, information sur le trafic, un navire descendant, le Tundra, rapporté pour la station de pilotage, et le traversé Joe Deschênes, qui est en sortant du Saguenay, se dirige vers le large du Bergeron pour faire des tests. À vous. C'est bien reçu. On va, grosso modo, faire la même course qu'on a fait, là, pour s'en venir ici. Bien reçu, merci. May 19th, 2019, 12 hours, 45 minutes, 1 second. Star-Zepso, Captain Abbas. Star-Zepso, Captain Abbas. This is Rescue 901 on Channel 16, over. May 19th, 2019, 12 hours, 48 minutes, 25 seconds. Rescue, come in, Grand Zoo. May 19th, 2019, 12 hours, 48 minutes, 35 seconds. Les 30 avec Escoumins, gardez écoute, break, bateau pilote avec Escoumins, allez-y. Bonjour, juste vous informer, là je me dirige vers le premier point qu'on avait où la bouée. Ensuite j'entrerai lentement là, pour chercher le pilote du NFCC Québec pour ensuite aller débarquer là, celui du Tundra, est-ce que ça vous convient? Oui, c'est ce qu'on avait planifié, il n'y a pas de problème. Très merci. L'espérance, ça fait qu'est-ce qu'on a? May 19th, 2019, 12 hours, 51 minutes, 43 seconds. Star-Zepso, Captain Abbas. So Star-Zepso, Captain Abbas. This is Rescue 901 on Channel 16. May 19th, 2019, 12 hours, 52 minutes, 26 seconds. Mayday, Rescue 901, this is Escoumins Coast Guard Radio on Channel 16. Over. Coast Guard Radio on Channel 16, this is Rescue 901. Yes, Mayday, good afternoon, sir. For your information, the vessels are currently working on Channel 09. The vessels currently doing the search are working on 09. Do you have that frequency aboard? Over. That is a problem. We copy channel 09. Thank you very much. Switching now. Roger. May 19th, 2019, 12 hours, 54 minutes, 51 seconds. Trafic Escoumane, Nancy Ross. Nancy Ross, Trafic Escoumane. Oui, bonjour monsieur, on est arrivé à la station, on est terminé pour la journée. Merci, merci. Terminé, merci. May 19th, 2019. 13 hours, 2 minutes, 52 seconds. Cap de Rabat, Trafic Escoumane. Cap de Rabat, écoute. Attendez, on va changer de radio, on a de l'interférence. Cap de Rabat, écoute. Cap de Rabat, Trafic Escoumane, oui, le navire Lestran, essayez de vous contacter sur le 09 Lestran. À vous. May 19th, 2019, 13 hours, 3 minutes, 56 seconds. L'Estran, Trafic Escoumane, Trafic Escoumane, voie l'écoute. L'Estran, écoute. Oui, vous avez contacté le Cap de Rabat, il vous a répondu sur le 09 Cap de Rabat. À vous. May 19th, 2019, 13 hours, 4 minutes, 16 seconds. L'Estran, Cap de Rabat, on est en train de changer de radio, il y a trop d'interférences. Radio là, on vous rappelle. May 19th, 2019, 13 hours, 6 minutes, 46 seconds. L'Estran, l'Estran, ici le Cap de Rabat. May 19th, 2019, 13 hours, 7 minutes, 11 seconds. Cap de Rabat, sur l'Estran. Oui, à quelle position que vous êtes? Oui, puis on s'est entendu, on est au niveau de la bâture ouverte, donc on quitte ça du sac, là, on sort des bruits. Affirmatif, regardez, si vous pouvez vous rendre jusqu'à Cap Bon-Désir et puis longer la côte en vous rendant vers les Escoumins. Jusqu'à ce reçu, on va faire ça. Merci. May 19th. 2019, 13 hours, 8 minutes, 23 seconds. NACC Québec, le Cap de Rabat. NACC Québec. May 19th, 2019, 13 hours, 8 minutes, 32 seconds. NACC Québec. Je vais passer en avant de vous pour en direction de Cap de Bon-Désir. Français, les tampons, vous parlez anglais? NACC Québec, Escoumins Traffic, Cap de Rabat inform you that they will cross in front of you for the outbound Cap de Bon-Désir. So they will cross in front of you. Over. Okay, I understand. May 19th, 2019, 13 hours, 13 minutes, 44 seconds. Escoumins Traffic, MERS Patras, channel 09. MERS Patras, Escoumins Traffic. Sir, so I'm now south of maneuverable position, about 2 cables, and I'll reduce now my speed and I'll proceed slowly, approaching the maneuverable position. Roger, thank you. We'll advise search and rescue. Please repeat the last message. Roger, thank you for information. We'll advise search and rescue. Thank you very much, sir. Well understood. Thank you. May 19, 2019, 13 hours, 16 minutes, 27 seconds. L'Estran, trafic escoumin, il voit l'écoute. L'Estran, l'écoute. Oui, vous êtes dans quel secteur, présentement? May 19, 2019, 13 hours, 16 minutes, 57 seconds. Pouvez-vous dire de nouveau, on a perdu le signal? Oui, vous êtes dans quel secteur présentement, à vous? On est en face du Cap Granit. C'est bien reçu, je viens de parler avec MRSC, puis je vous demanderai de longer la côte le plus près possible en restant à une distance sécuritaire de la côte, tout le long de la côte là, jusqu'au quai public des Escoumins. C'est à vous. On va faire ça. Avez-vous un peu plus d'informations? On parle de vêtements orange et puis d'un casque jaune et vert. À vous. Bien reçu, on va longer la côte. Merci. Bien reçu, tenez-nous au courant. May 19th, 2019, 13 hours, 24 minutes, 29 seconds. Cap de Rabat, Cap de Rabat, Cap de Rabat, à l'Estran. Capteur Abbas, à l'écoute. May 19th, 2019, 13 hours, 27 minutes, 39 seconds. Cap de Rabat, trafic escoumin. À l'écoute. Oui, MRSC avise, c'est possible pour vous, là, si vous repassez par la position initiale de recherche, c'est possible de déposer une balise de recherche SMDSD. À vous. SMDSD, ok, je vais passer là. May 19th, 2019, 13 hours, 44 minutes. 7 seconds. Cap de Rabat, Cap de Rabat pour l'Estran. L'Estran ici, trafic escoumin, allez-y. Oui, simplement pour dire qu'on va revirer de bord, on retourne pour Tadoussac, on retourne pour Tadoussac. Il y a un petit peu trop de vagues là, pour notre petit bateau. C'est bien reçu, on va viser MRSC, merci. Merci beaucoup. L'Estran terminé. May 19th, 2019, 13 hours, 44 minutes, 41 seconds. Trafic escoumin, le bateau pilote. Bateau pilote, trafic escoumin. Oui, monsieur, on est revenu là, des transports de main. Là. Je veux juste savoir, juste confirmer là, que vous voulez qu'on sorte et continuer les recherches. Gardez l'écoute. May 19th, 2019. 13 hours, 46 minutes, 31 seconds. Bateau pilote, trafic escoumin. Oui, c'est bateau pilote. On va vous appeler par téléphone. Parfait. May 19th, 2019. 13 hours, 52 minutes. 18 seconds. Le Cap de Rabat, le Grandio. Cap de Rabat. Oui, bonjour. Je reprends les recherches avec vous. Quelle direction vous voulez que je prenne? Veux-vous que je descende vers le quai du traversier ou remonter? Ben, regardez, je suis soulagez-vous, là. On va descendre en parallèle jusqu'à Pointe-à-Crapaud à peu près. Puis, ben, tu peux... On le pointe avec sa peau au bord des îles, on va revirer de bord, puis on va remonter vers le point d'appel de Saint-Galva. Parfait, merci. D'après les patentes de recherche là, que la MRSC nous a dit, là, il serait encore dans le secteur de la position initiale. OK, parfait. On a mouillé une balise, là, justement, qui envoie des données satellites au MRSC. On va attendre d'autres instructions des autres. Là. C'est bien reçu. May 19th, 2019, 13 hours, 53 minutes, 31 seconds. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. Toute station, toute station, toute station. Ici les escoumins radio gare côtière, les escoumins radio gare côtière, les escoumins radio gare côtière. Mayday, en référence à l'homme à la mer au large de la station de pilotage des escoumins. Les recherches sont toujours en cours. Tous les navires sont priés de veiller une veille attentive et de rapporter toute observation à la station des escoumins radio-gargotières. Break. All station. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. All station, all station, all station. This is les escoumins Coast Guard Radio. Les escoumins Coast Guard Radio. Les escoumins Coast Guard Radio. Mayday. With regard to the man overboard ashore the les escoumins pilot station, search are still undergo. All vessels are requested to keep a sharp lookup and to report any observation to Les Escoumins Coast Guard Radio. This is Les Escoumins Coast Guard Radio, out. May 19th, 2019, 14 hours, 14 minutes, 34 seconds. Cap de Rabat, trafic Escoumins. Oui, MRSC nous informe que votre balise de recherche SLDMB ne fonctionne pas, elle ne transmet pas. Donc, je voulais vérifier avec vous si vous avez une deuxième balise à bord à vous. Sans négatif, c'est la seule. C'est bien reçu, merci. Bienvenue. May 19th, 2019. 14 hours, 15 minutes, 21 seconds. Le Sipumwin, Sipumwin, avec quel commun? May 19th, 2019, 14 hours, 17 minutes, 29 seconds. Le Sipumwin, le Sipumwin, c'est bon. Sipumwin, avec quel commun? Oui, c'est pas tout de confirmer que la position posée pour la balise, c'est le 48 degrés 19 décimal 877 nord et 069 degrés 21 décimal 679 ouest. May 19th, 2019, 14 hours, 18 minutes, 1 second. C'est de nouveau la longitude que vous avez à vous? 069 degrés 21 décimal 679 ouest. Affirmatif, oui, c'est bien ça la dernière position qu'on avait aussi. À vous. Roger, c'est l'endroit qu'on va aller mettre le bouillie. May 19th, 2019, 14 hours, 48 minutes, 55 seconds. Bateau pilote, trafic escoumin. Oui, trafic escoumin, bateau pilote. Oui, pouvez-vous passer voie 06? 06. May 19th, 2019, 14 hours, 56 minutes, 50 seconds. Le Sipumwin, Sipumwin, trafic escoumin. Oui, MRSC voulait savoir c'est quoi le numéro de la balise. Numéro de la balise, à vous? Oui, on pense les mêmes choses. Je viens de leur envoyer toutes les informations par courriel à la seconde près. C'est bien reçu, merci. Puis ils nous ont donné aussi la dernière position. Je ne sais pas si vous avez la dernière position la plus récente, à vous? Non, négatif, on va prendre ça, on approche de la position que je vais donner tantôt. Bien reçu, donc position plus récente, 48 degrés, 19 décimal 24 minutes nord, 069 degrés, 22 décimal 28 minutes ouest, à vous. C'est l'endroit. droit qui voulait qu'on mette la bouée à l'eau. Affirmatif, c'est bien ça. Roger, on essaye cette position-là. Parfait, merci. May 19th, 2019, 14 hours, 58 minutes, 27 seconds. De Rabat, le Yandio. De Rabat. Je vais vous informer, je vais tourner sur ma droite là, pour aller longer la côte en descendant. J'ai un pilote à embarquer là, à 13h30, donc il faut que je sois de façon vers 13h15, 13h20. Je vais redescendre un petit peu de vite le long de la côte, si ça vous convient. Il n'y a pas de problème. Merci. May 19th, 2019, 15 hours, 6 minutes, 7 seconds. Le Cascoumin, le Cipoumin, le Ronin. Station qui appelle avec Cascoumin. Oui, monsieur, le Cipoumin. Cipoumin, ça fait Cascoumin, allez-y. Monsieur, la balise a été mouillée, la position 4-8 degrés, 1-9 décimal, 1-4-4 nord, longitude 0-6-9 degrés, 2-2 décimal, 4-7-3 ouest. C'est bien copié, merci, on va transmettre l'info à MRC. May 19th, 2019, 15 hours, 6 minutes. 44 seconds. C'est bien copié, merci. On va transmettre l'info à MRC. Roger, tu pouvais, s'ils peuvent nous revenir, là, savoir s'ils la voient sur leur écran. Là. Sinon, on la récupérera, puis on va rester dans le secteur là, pour juste attendre qu'on ait la confirmation. Si ça ne fonctionne pas, on va tenter de la récupérer et voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne s'est pas bien déployé. Bien reçu, merci. May 19th. 2019, 15 hours, 8 minutes, 15 seconds. Garde à bas, l'écoute. Ah oui, monsieur, on vient de mouiller notre balise. Là. J'attends confirmation de l'RSC, savoir si il la voit sur leur écran. Mais je crois que j'aurai la confirmation. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de la côte puis je vais faire des passes en montant, descendant le long de la côte en commençant très très près du rivage et en m'éloignant jusqu'à passer le cap de mon DC. Ah bien sûr, excellent, merci. May 19th, 2019, 15 hours, 11 minutes, 2 seconds. Merci, qu'est-ce qu'on m'aime à notre page Kraken? Kraken, t'as fait qu'est-ce qu'on met? Ouais, monsieur, juste vous avez dit, t'es nous qui est en face de la station, on entre dans la zone de prudence. C'est bien reçu. Je sais pas si vous avez entendu les informations concernant l'homme à la mer dans le secteur, le plutôt navire qu'il recherche présentement. Est-ce qu'il faut garder un œil sur la station à vous? Ouais, bien reçu. Là, on avait des informations pour la VHF. Là, on reste à l'affût. On vous rappelle à l'arrivée de ce moment. Bien reçu, merci. May 19th, 2019, 15 hours, 23 minutes, 52 seconds. Coming traffic, Mexico Patras. Mexico Patras, coming traffic. Sir, if it's possible to give us some information, we have seen that the overcraft, they found something into the water, is correct, sir? May 19th. 2019, 15 hours, 24 minutes, 18 seconds. Break, we're starting the overcraft point negative, sir. It was a location buoy that we threw overboard in order to get us a bit of information with the current in that year. All right, sir. So we did not find our second way. Thank you very much, sir. I appreciate it. Thank you. Yeah, nothing yet, but we're still looking around. With the best of luck, we'll find. Thank you very much, sir. I appreciate your assistance and efforts. Sir, because I'm drifting now towards to the land, I will try to go a little bit farther, but I will keep clear of the tanker at fine sea and all the other boats around me. Roger, please contact Iskman traffic with that info. Okay, thank you very much, sir. Roger, for Iskman traffic, thank you. May 19th, 2019, 15 hours, 28 minutes, 12 seconds. Avec Iskman, bateau pilote. Bateau pilote, avec Iskman. Oui, le pilote est embarqué, je vais me retourner plus près de la côte là, en attendant les bateaux en descendant, mais je vais quand même faire des recherches là, en revenant vers la côte. C'est bien reçu, merci. Les deux descendants donnent 16h10, 1610, et puis le deuxième 1635. À vous. C'est bien reçu, merci. Oui, Eric, tu m'entends-tu? Oui, très bien. Ouais, regarde, nous autres, veux-tu qu'on rentre en dedans? Tu sais quoi tu veux qu'on fasse? Préfères-tu qu'on reste à 1 mille de la côte, ou comme tu veux? Là? Idéalement, ça serait de rester en dehors de la zone d'embarquement, vu que tout se passe là, si ça vous dérange pas. T'sais, je vais vous chercher, mettons, à peut-être 2 000 de la station, si ça vous convient, puis en tournant vers le large. Parfait, à 2 000. Fait que je vais m'aligner sur la 5C, là, puis je vais passer en arrière de lui. Puis je vais aller passer à 2 000. Parfait, merci. May 19th, 2019, 15 hours, 29 minutes, 37 seconds. Tu vas encore là? Oui. Tu es senti voir l'aide? May 19th, 2019, 15 hours, 29 minutes, 43 seconds. Oui. Sentez vous à l'aise aussi là, si vous voyez qu'elle meuse, des fois ça vient trop proche, tu peux aller vous chercher un peu plus loin, là, ça change rien. Là. Faites ça pour que ça soit sécuritaire, il n'y a pas de problème. Oui, pas de trouble, là, je vais me mettre à 2000 là, ou proche de la fin ici, puis il n'y a pas de problème. Là. On va faire ça sécuritaire, il n'y a pas de problème. Ok, merci. May 19th, 2019, 15 hours. 48 minutes, 14 seconds. Cap de Rabat, le Clear Ocean Melody. Ouais, l'écoute. Ouais, regardez, je vais faire mon changement de pilote ici, là. Je vais le tourner sur le tribord. Ça va arriver quasiment vers vous, là, si est-ce que ça vous va. Ou vous voulez que j'attende que vous passez? Non, vous pouvez y aller, là, je vais me tasser, là. Je suis assez manœuvrable, il n'y a pas de trouble, je vais le tasser. Excellent, merci beaucoup. Bien, hein. May 19th, 2019, 16 hours, 8 minutes, 21 seconds. Mayday relay. Toute station. Ici les Escoumins Radio-Garde-Côtière, Escoumins Radio-Garde-Côtière. Mayday, à 1, 3, 3, 4, temps universel coordonné, en référence à l'homme à la mer à la station de pilotage des Escoumins. Les recherches sont toujours en cours. Tous les navires doivent porter une veille attentive et rapporter toute observation aux Escoumins Radio-Garde-Côtière. Break. Mayday relay. All stations. This is Escoumins Coast Guard Radio. Escoumins Coast Guard Radio. Mayday at 1334 Coordinated Universal Time. Reference of a man overboard at the Escoumins pilot station. Research is still underway. All vessels must keep a sharp lookout and report any sightings to Les Escoumins Coast Guard Radio. Over. May 19th, 2019, 16 hours, 13 minutes, 42 seconds. Capteur à bord, le 8 agent. Ouais, je vais passer sur votre arrière. Merci. Ok, qui parle? Oh ben, on s'en parle. Pas de trouble. Bon voyage. May 19th, 2019, 16 hours, 45 minutes. 49 seconds. De rabat, ben tout pilote, ben le garde, le grand zoom. Cœur de rabat. Oui, monsieur, là, on est en sortant là, pour continuer les recherches avec vous. Voulez-vous qu'on descende vers le 5 Alpha, sur le long de la côte, je sais pas, là, je sais pas trop où me diriger, là. Oui, allez-y, là, le marée doit être pas déchanger, là. Nous autres, le secteur, ils ont ici, là, on l'a fait pas mal, là. En fin de compte, on a pas mal tout couvert le terrain, là. Ouais, je pouvais faire le long de la côte, là, en vous en allant vers le 5 Alpha, là. Parfait, c'est ce qu'on va faire, pas de problème. Merci. May 19th, 2019, 16 hours, 50 minutes, 54 seconds. Trafic, est-ce combien le bateau pilote? Le bateau pilote, trafic, est-ce combien? Je vais vous informer, je vais aller au Mos Patras, embarquer le pilote là, qui est ici là, depuis ce matin. Là. Vu que le bateau est entré dans la zone de pilotage, je vais aller porter le pilote à bord. D'accord, c'est bien reçu. Merci. May 19th, 2019, 17 hours, 2 minutes. 33 seconds. Patas, private boat. So, sir, this is Mas Patras, please go ahead. Mas Patas, private boat. Yes, so the pilot will be boarding your vessel in about 5 minutes. On the port side, we'll be boarding on the port side, please. Well understood, sir. I am stopped on drifting and I will wait for the pilot boat. It will come in 5 minutes. Sir, so the pilot it will remain on board until we are going to call that it finished with the search and rescue operation. I have been instructed to wait until sunset and even more than sunset until we cannot see anymore. Okay, Captain. I think that is correct. The Coast Guard is leading the researchers, and they keep going for now. Yes. Thank you very much, sir. I appreciate your effort. Okay, sir. I will instruct now the crew to go and to wait for the pilot boat in about 5 minutes on the port side. The pilot ladder is rigged 2 meters above the water level, sir. Waiting for you. Very good, sir. Thank you. Thank you very much, sir. May 19th, 2019, 17 hours, 5 minutes, 18 seconds. Le Sipu Muin, trafic escoumain, trafic escoumain. Escoumain, le Sipu Muin, c'est 09. May 19th, 2019, 17 hours, 5 minutes. 37 seconds. Le Sipu Muin, trafic escoumain. Oui, on s'est fait demander par MRSC là, de vous passer, de faire attention là, que vous passeriez trop près là, du centre de découverte de milieux marins. Là. Il y a une zone de plongée sur le long de la côte. De faire attention, passer un petit peu plus au large, j'avoue. Bien reçu. Merci. May 19th. 2019, 17 hours, 20 minutes, 29 seconds. Trafic, est-ce combien le bateau pilote? Bateau pilote, trafic, est-ce combien? Oui, je vais rentrer à la station en espérant que les pilotes du navire montant arrivent un peu plus tôt. Là. Je vais laisser le navire montant puis prendre le descendant là, après. Okay. Oui, c'est bien reçu. May 19th, 2019, 17 hours, 35 minutes, 46 seconds. Escoming traffic, Merc Patras. May 19th, 2019, 17 hours, 36 minutes, 5 seconds. Cap de Rabast, Merc Patras, channel 09. May 19th, 2019, 17 hours, 36 minutes, 21 seconds. Trafic estimé, le Sipumouin sur le 09. Le Sipumouin, trafic estimé. Oui, monsieur, le Meurs, Pat Trask, essaye de vous contacter. Oui, merci. Break Meurs Patras, est-ce qu'on a traffic? Good evening, sir. This is Meurs Patras. Sir, I have been informed by nautical department that you need to know the height and weight of missing person. So, if you have a pen, I can give you exactly the details. Register, go ahead. Alright, sir. So, his height is... Register, thank you for the information, we'll pass that along. May 19th, 2019, 17 hours, 37 minutes, 29 seconds. Sir, if it would help you, he was wearing, when he fell overboard, one dark blue jacket. One dark blue jacket, roger. Thank you very much, sir. Standing by channel 0916. May 19th, 2019, 17 hours, 38 minutes, 0 seconds. Le Sipumouin, ça fait que quoi? Oui, monsieur, après la discussion avec MRC depuis le magasin des carburants, on va quitter lentement la zone du parc marin en direction de la trempe à Kakuna. Ça va être la fin des opérations pour nous, là, ce qu'on va passer les limites du parc. Puis on va vous donner un HPA pour Kakuna une fois qu'on va arriver aux limites. C'est bien reçu, merci. Gardez la bas du point. May 19th, 2019, 17 hours, 38 minutes, 47 seconds. May 19th, 2019, 17 hours, 40 minutes, 45 seconds. Oui, Christian, j'ai parlé au MRC, je sais pas si t'as compris tantôt, là. Ça va être la fin pour moi, là, le temps que je me rentre à quelques heures, pour rentrer en dehors, faire des recherches là-bas avec mon carburant. Donc, je vous souhaite une bonne fin de recherche, puis en espérant vous trouver. Ouais, bien sûr, merci pour votre aide, puis bon retour. Roger. Pour ton info, là, moi, tu vois, j'ai passé pas mal proche des roches tout le long, là, puis à plusieurs reprises, j'ai rien vu, là. On avait spoté, là, on pense qu'on a reçu notre balise, là, une fois. On a essayé de la spotter, notre fois, on l'a pas vu non plus. Ok, vous avez dit, ça a-tu fonctionné? J'ai aucune idée, ça c'est plus, est-ce que moi qui pourrais, que MRSC qui pourrait te dire. Les premières informations qu'on avait, là, il m'avait dit qu'il ne recevait pas ma balise non plus, là, fait que, on va faire un debrief à Laurent, là, cette semaine avec ça. Ça marche, merci. Ok, bonne fin de journée. May 19th, 2019. 17 hours, 46 minutes, 17 seconds. Escoming traffic, Meurs Patras. Meurs Patras, escoming traffic, go ahead. Sir, I would like to inform you that our port lifeboat is now back on board and secured. We are continuing our search and rescue from the vessel, sir. So our port lifeboat is now back on board. It's not so efficient we have seen. So we are going to keep ongoing this search and rescue operation from board. Roger, sir. Well copied. Thank you. So, sir, we are standing by channel 0916 and waiting for instructions where to proceed and what to do. Roger. And just to confirm, is your pilot on board? Sir, I'm sorry, I forgot to inform you. 1711, the pilot came on board, is right close to me. Do you want to speak with him? No negative, sir. No need. I just wanted to confirm that he was on board. Yes, sir. So he joined the vessel 1711. Roger. Thank you. Roger. May 19th, 2019, 18 hours, 9 minutes, 37 seconds. Cap de Rabot, le Musk, Patras. May 19th, 2019, 18 hours, 9 minutes, 49 seconds. Cap de Rabot, l'écoute. Cap de Rabot, le Musk, Patras, oui. Est-ce qu'on peut être une assistance quelconque? On peut-tu procéder vers le nord-est en descendant le chemin opposé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, libre à vous, là. Je peux contacter le maire SC, le centre de sauvetage, là, voir ce qu'il en pense. Là. Sur le territoire, t'es pas mal couvert avec des hélicos, des aéroglisseurs, puis nous, là. Je vais communiquer, puis je vais vous rappeler. Oui, très bien, monsieur, je vous remercie. Effectivement, comme vous dites, les hélicos, c'est pas mal la meilleure chance qu'on avait de trouver quelque chose. Mais je vais attendre votre appel. OK, là, vous êtes disponible, vous, pour partir vers l'est, c'est ça? Exact, oui, on va faire une passe au nord-est, comme le navire a fait, mais à l'opposé. Là. Bien reçu. May 19th, 2019, 18 hours, 11 minutes, 7 seconds. May the relay, toute station. Ici, les Escoumins Radio-Garde-Côtière, Escoumins Radio-Garde-Côtière, m'aider à 1337, par universel coordonnée, en référence à l'homme à la mer, la station de pilotage des Escoumins. Les recherches sont toujours en cours. Tout navire doit porter une veille attentive et rapporter toutes observations aux Escoumins Radio-Garde-Côtière. Break. May they relay. All stations. This is Escoumins Coast Guard Radio. Escoumins Coast Guard Radio. May they at 1334 coordinated universal time in reference of man overboard at Les Escoumins pilot station. Research are still underway. All vessels must keep a sharp lookout and report any sightings to Les Escoumins. Over. May 19th, 2019, 18 hours, 13 minutes, 13 seconds. Merci, papa, c'est ici le Cap de Rabat. Le Cap de Rabat, le Merci, papa. May 19th, 2019. 18 hours, 13 minutes, 23 seconds. Cap de Rabat, le Mars Patras. Ouais, ben, oui, si vous voulez revenir sur vos pas, là, tranquillement, là, sur la course initiale du navire, là, s'il veut faire une dernière passe, là. Sur son itinéraire initial, là. Très bien, monsieur, on va faire ça, je vous remercie. Et nous autres, on va continuer nos patins, on le sait, là. Très bien, merci. Trafic Escoumins, Musk Patras. Musk Patras, Trafic Escoumins. Oui, monsieur, vous avez probablement entendu la discussion. On va procéder lentement, on va procéder vers le course nord-est, là, opposé à ce qu'il a fait de Marie à la date, là, pour essayer de jeter un coup d'œil encore un peu. C'est bien reçu, oui, il n'y a pas de problème. Là, le prochain montant, on attendait pour la station vers 19h05. On va probablement là, le faire passer là, à plus au large, 2000 au large à vous. Très bien, je vous remercie. Plus tard. May 19th, 2019, 18 hours, 18 minutes. 32 seconds. Cap de Rabat, bateau pilote. Cap de Rabat. Ouais, c'est le bateau pilote. Yes, écoute, on a effectué le changement de chiffre. Moi, j'ai jusqu'à 19h moins 10, là, je peux reprendre la recherche et sauvetage. Tu veux-tu que je descende par en bas ou que je monte par en haut, juste m'aligner un peu, là? Regarde, moi, là, je suis en direction du sud-ouest, là. Si toi, tu veux partir vers le nord-est, là, puis faire un pattern une certaine distance de la côte, là, parce que la côte a été faite quadrillée pas mal par les hélicos et la rôtisseur, là. Si tu veux t'éloigner une certaine distance de la côte, là, en te passant vers le large, là. C'est bien parfait. Moi, je vais m'aligner un peu plus au large. Bien, je vais descendre au large, puis je vais remonter le long de la côte. Essayer de faire les baies en remontant, là, puis je vais m'aligner à peu près 1,5 000, 2 000 au large en descendant. OK, parfait. Merci. May 19th, 2019, 18 hours, 34 minutes. 1 second. Le masque Patras, ici le Cap de Rabat. Le Cap de Rabat, le masque Patras. Ouais, c'est pas une information, là. Quand l'incident est arrivé, l'équipage, est-ce qu'ils ont vu la personne de surface un certain temps ou. Un instant. May 19th, 2019, 18 hours, 36 minutes, 22 seconds. Cap de Rabat, le masque Patras. Oh, elle écoute. Oui, monsieur, lorsqu'il est tombé à l'eau, il y a des gens qui ont été tout de suite sur le pot de à l'arrière. Et puis, ils l'ont vu faire des signes puis essayer de nager, oui. Ah, bien sûr, après ça, ils l'ont perdu de vue. Affirmatif, après ça, ils l'ont perdu de vue, oui. Ah, bien reçu, merci. May 19th, 2019, 18 hours, 53 minutes, 40 seconds. The merged Patras, Escomain traffic. Escomain traffic, merged Patras. Roger, sir. So we have a request from research and search and rescue. They would want your captain to call them. I can give you the number, the phone number, when you're ready to copy over. Understood. Just a moment. May 19th, 2019, 18 hours, 54 minutes, 31 seconds. Let's come in, Patrick. Let's go, Patrick. I'm ready. Give me the number. Roger. So, 1-800-463-4393. Over. 1-800-463-4393. Roger, that's correct. That's the search and rescue center. If you can have your captain call them directly. Over. Roger. May 19th, 2019. 19 hours, 16 minutes, 19 seconds. Trafic et chemin, le Cap de Rabat. May 19th, 2019, 19 hours, 17 minutes, 13 seconds. Le bateau pilote, trafic et chemin. Trafic et chemin, bateau pilote, ouais, j'avais bien entendu, vous arrêtez donc les recherches. Moi, je vais en faire le montant, là, je retourne à clé après. Là. Ok, ils vont diriger là, vers Fédéral Biscay. Affirmatif, je vais garder mes spots toute la nuit quand même. May 19th, 2019, 19 hours, 20 minutes, 50 seconds. Est-ce que vous trafic de bus Patras? Oui, Cap de Rabat, écoute. 9 par face, trafic est-ce combien? Oui, monsieur, on est en train de tourner. Les gars semblent avoir vu quelque chose. Et puis, si vous voulez avertir le cap de Rabat. Okay, c'est bien reçu de quel côté? Sur notre côté, d'abord, on est en train de tourner pour aller voir. Là. C'est bien reçu. Break le cap de Rabat. Trafic, qu'est-ce qu'on met? Bon, on est parfait. C'est bien reçu, donc ça le meurtre patrasse sur son bâbord, là, croit percevoir quelque chose, ça vous? Bien reçu. May 19th, 2019, 19 hours, 26 minutes, 56 seconds. Avec un soumet, bateau pilote. Bateau pilote, trafic soumet, oui, on vous entendait, c'est d'appeler le fédéral piqué, est-ce que vous avez réussi à lui parler? Négatif, et vous a répondu, il m'a jamais répondu, mais gars, c'est pas grave, là. Je voulais faire monter le gangway, puis je voulais que la clique accélère, là, mais gars. Je vais me diriger à où est-ce que le mal s'en va, là. Je vais aller participer un peu avant de rentrer à la clique. Ah, ok, c'est bien reçu. Les prochains montants, vas-tu les faire plus proche, approcher plus proche de la côte? Oui, bon, le prochain, l'Artemis est attendu pour 22 heures, là, donc probablement les recherches vont être terminées, on va les faire passer plus proche. Là. Sinon, on va aviser, là, puis ça va peut-être rester plus au large. Aucun problème, là. Si c'est plus au large, il n'y a pas de problème non plus, c'est pour une information. Merci. May 19th, 2019. 19 hours, 30 minutes, 54 seconds. Patrasse, bateau pilote. Four men, est-ce qu'on a eu traffic? Bateau pilote, merci Patrasse. May 19th, 2019. 19 hours, 31 minutes, 7 seconds. Bateau pilote, merci Patrasse. Ouais, j'aimerais ça vous aider dans quel coin, vous avez vu ça toujours sur votre bâbord. Nous, on a fait le tour d'une souche d'arbre, là, dans ce secteur-là, tantôt, là. 140, pilot station, right? Ouais, je pense que c'est ça, ça va être juste une souche d'arbre, je pense bien. On continue à s'approcher pour voir mieux. 3 Bravo. No traffic reported for checkpoint 4. Over. C'est bon, merci. May 19th, 2019, 19 hours, 32 minutes, 58 seconds. Le meurtre patrasse, trafic escoumé. Trafic escoumé, meurtre patrasse. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir la position lorsque les membres d'équipage pensaient avoir vu quelque chose dans l'eau à vous? On est tout près maintenant, puis non, effectivement, c'est juste un morceau d'arbre. Alors, c'était une fausse alerte. D'accord, c'est bien reçu. On va passer sur la MRSC, merci. Très bien, merci. May 19th, 2019. 19 hours, 36 minutes, 1 second. Le meurtre patrasse, trafic est-ce combien? Oui, monsieur, alors on va procéder en montant à nouveau, continuer à regarder, tant qu'on a la clarté du jour, jusqu'à ce qu'il fasse noir. On va essayer. Et puis, pour l'instant, on va juste procéder en montant tranquillement. Avez-vous un prochain montant pour la station? Oui, le prochain montant pour la station, le Artemis, était en ordre pour 22 heures. Et puis, on n'a pas de trafic là, descendant jusqu'à la Cap aux Oies. Bien reçu, merci. Et juste pour confirmer, là, vous êtes bien en montant, donc direction ouest. Affirmatif. C'est bien reçu, merci. May 19, 2019, 19 hours, 37 minutes, 6 seconds. Trafic Escoumin, Cap de Rabat. Cap de Rabat, trafic Escoumin. On est reparti pour le sac. C'est bien reçu. May 19th, 2019, 19 hours, 37 minutes, 39 seconds. Escoumin, bateau pilote. Bateau pilote, trafic Escoumin. On va retourner à 15 autres, on est devant la souche, là, on scrute la souche comme il faut là, pour voir s'il n'y avait pas de quoi de pris après la souche. Là. C'est un gros arbre avec une souche. Ok, c'est bien reçu, donc retour à quai. Merci. May 19th, 2019, 19 hours, 43 minutes, 37 seconds. Bateau pilote, le meurtre Patras. Meurtre Patras, bateau pilote? Oui, juste pour te dire, à 8h15, il y a un autre pilote qui va embarquer sur le navire. C'est Zoé d'Israël. Il va être sur la station pour 8h15. C'est bien, parfait. Merci de l'information. Là, je rentrais de toute façon. Là, je longe la côte, là, je rentre. Ok, à tantôt. May 19th, 2019, 20 hours, 4 minutes, 2 seconds. Toute station. Ici, les Escoumins Radio-Garde-Côtière, Escoumins Radio-Garde-Côtière. En référence au code du MERS Petrask à 0004 UTC, recherche et sauvetage avise que les recherches sont terminées. Break. Silence fini, terminé. Break. Mayday, all stations, this is Escoumins Coast Guard Radio, Escoumins Coast Guard Radio. Regarding the MERS Petrask cave at 0004 Coordinated Universal Time, search and rescue advises the research has ended. Silence fini, over.